Sorti au caï, m'a dérigé Jérémy. Qui ça mal fait, mal travaille na chada. Si H m'a voyé, c'est Bigoua m'a voyé. Si moi m'a jeté, si Wash m'a croisé, même travail en pire. Aïe, laïe, aïe, Jean, pour me faire, pour mal en pays, travail en pile, la jambe pitié. Jean, pour me faire, pour mal en pays. Malade, ben oui, madame, moi couché. Moi qu'un prescription, y'a besoin de manger soleil. Soleil a brûlé, moi pas gain l'argent. La vie a mouillé, moi pas ça pareil. Même travail en pile, aïe, l'aïe, en vérité. Jean, pour me faire, pour mal en pays, travail en pile, la jambe pitié. Jean, pour me faire, pour mal en pays. Malade, mais oui, madame, moins couché. Moins gain prescription, y'a besoin de manger soleil. Soleil a brûlé, moins pas gain l'argent. La pluie a mouillé, moins pas ça paré. Même travail en pile, la jambe pitié. Qui genre pour me faire? Mal dans pays, travail en pile, la jambe pitié, pigeon pour me faire.